Maternitude. Faustine a changé les draps. La vie à Gainesville reprend où on l'avait laissée. La jeune maman soigne ses blessures, comme d'habitude, au Scotch on the Rock ou au Bloody Mary. Pourquoi ou au fait et au Bloody Mary? Maintenant qu'elle n'allait plus, elle a repris ses habitudes. Calmer ses nerfs à coups de cigarette, anesthésier ses crises d'angoisse à l'alcool. Tout le monde ne fait-il pas pareil tout autour d'elle? Aucun événement social n'a lieu sans boisson. Mariage, fête, enterrement, même combat. Dans la joie et dans la tristesse, récompense ou consolation, le poison est partout, infiltré dans toutes les couches de la société. Quand Faustine prend conscience qu'elle est allée trop loin, après une bonne cuite par exemple, elle voudrait bien s'arrêter quelque temps. Mais si, par malheur, elle est invitée à l'extérieur, la réaction de ses hôtes est implacable. « Tu veux rester notre amie? Tu bois avec nous. » Que faire quand on est faible, vulnérable et, disons ce qui est, déjà bien dépendante? Sans compter la solitude, compagne de chaque instant, qui n'arrange pas les choses. Ce n'est pas la responsabilité d'un bébé, ni la compagnie de sa belle-fille, si adorable soit-elle, qui aide Faustine à garder son équilibre. Au contraire, cela aurait plutôt tendance à augmenter la fréquence de ses anxiétés. Nonobstant ces détails, Faustine est une maman comblée. Maxime a prévu un voyage en Europe fin février, début mars. Moitié boulot, moitié loisir. Il souhaite que Faustine et Julien soient de la partie. On commencerait par se rendre à Saint-Junien, berceau de la famille où sa maman s'est retirée. Ensuite, Faustine amènerait Julien à Lausanne chez ses propres parents. Maxime les rejoindrait sitôt achevé le cours qu'on lui a programmé en Allemagne. Le séjour durera une quinzaine de jours. Maxime reviendra à Gainesville avec femme et enfants avant d'entamer une nouvelle tournée de séminaire. C'est fou! Depuis qu'ils sont installés aux USA, Maxime passe tout son temps en Europe. Et Don White, son patron, ne veut toujours pas les laisser y retourner. Il tient sans doute à rentabiliser sa carte verte. Faustine n'approfondit pas. Il lui faut préparer ce premier voyage de bébé Julien et la tournée des familles. Plus c'est petit, un humain, plus ça prend de volume. Chaque déplacement nécessite une organisation sans faille. Évitons les pièges grossiers, Faustine emporte le minimum indispensable, d'élégantes quêtes de berceaux et poussettes aux bonnes volontés indigènes. Parallèlement à cette orchestration, Faustine fait face aux pressions de son entourage. Les filles du bureau, Colline en tête, aimeraient bien voir la jeune mère reprendre le collier. On aurait besoin d'elle pour la bibliothèque technique, son bureau l'attend. Comment peut-elle rester aussi dépendante de son mari? Faustine résiste. Elle n'a aucune envie de lâcher son bébé, ni d'entrer dans le cercle vicieux de la double journée. Son mari gagne assez pour trois. En contrepartie, elle ne demande qu'à s'occuper de lui et de leur bébé. Pas féministe pour deux sous, elle n'a jamais eu l'ambition de faire carrière. Par contre, elle compte bien profiter de la vie. Autrefois, elle a beaucoup sacrifié au profit de Madame X et des filles. Plus question de continuer à essuyer les plâtres. Faustine veut savourer son statut de mère si longtemps attendu. D'ailleurs, Julien a besoin d'elle. Faustine sent confusément que l'évolution de son fils n'est pas tout à fait normale. Elle ne l'a pas confié à Maxime, mais à Paris, en décembre, elle a fait un saut chez son amie Sylvie, tout juste accouchée d'un petit Antoine. Elle avait été choquée par la différence de comportement entre les deux bébés à un mois d'écart seulement. Sur le coup, elle avait pensé qu'Antoine, qu'elle trouvait hypertonique, n'était pas normal. Et elle avait secrètement plaint son amie qui ne semblait pas s'en rendre compte. Or, Julien semble manifestement hypotonique. Lors de la visite médicale de janvier, Steven, leur pédiatre, témoigne d'une certaine inquiétude. Il hésite à donner son blanc-seing pour ce séjour en Europe. Faustine doit beaucoup insister. Finalement, il impose un rendez-vous chez un spécialiste à Charlottesville le plus rapidement possible après leur retour. Ce sera pour mi-avril, 8 semaines plus tard, C'est le mieux qu'il ait obtenu. Spécialiste de quoi? Faustine n'a pas compris. Steven ne se donne pas la peine de développer, ne voulant pas ajouter à leurs préoccupations. Faustine remercie, soulagée qu'on se décide à l'investigation. Souhaitant un deuxième avis, elle contacte leur ami Le Chaud, pédiatre à Washington. Bien qu'à la retraite, celui-ci accepte de la recevoir et d'examiner Julien. Dans son cabinet, qu'il n'a pas encore débarrassé, l'ancien pédiatre déshabille et allonge le bébé. Il rassure la jeune mère. Il ne constate aucune pathologie a priori. Simplement un manque de tonicité qui peut apparaître parfois dans le développement d'un nouveau-né, mais qui, selon lui, va s'arranger avec le temps. Pour accélérer un peu le mouvement, le pédiatre prend le bébé par les épaules et le secoue vigoureusement pendant une bonne dizaine de minutes. Julien, dans le rôle du prunier, n'apprécie pas ce traitement. Il manifeste bruyamment son désaccord. Faustine n'est pas plus convaincue. Elle est heureuse de quitter cet endroit, ayant le pressentiment que ce médecin est devenu un peu gâteux. Elle n'accorde qu'une confiance limitée à ses assertions. Au fond, il n'aura réussi qu'à la troubler un peu plus. Fin février, la petite famille est fin prête pour le grand voyage. Première escale, Paris. Maxime y a programmé un séminaire de 4 jours. Il dépose Faustine et Julien à la gare d'Austerlitz, juste à temps pour attraper le direct de Limoges, où il les rejoindra en fin de semaine. Là, mamie Angèle et le cousin François les attendent sur le quai. Les derniers kilomètres jusqu'à Saint-Junien se font dans sa belle voiture confortable et spacieuse. Angèle est aux anges. Elle peut enfin contempler son petit-fils, le tenir, le cajoler, le nourrir même, ce que sa première belle-fille ne lui laissait pas faire, avoue-t-elle à Faustine. Afin de présenter l'enfanson à toute la famille, elle a prévu un immense festin pour le samedi suivant, quand Maxime sera là. En attendant, une cousine lointaine a prêté un beau landau. Belle-mère et belle-fille baladent l'héritier dans les environs. Il y a de jolies promenades le long de la Glane ou de la Vienne. Angèle présente à Faustine le site Corot, où le peintre parisien aimait venir se ressourcer. Les deux femmes visitent également une ancienne tannerie, de même qu'une fabrique de la fameuse porcelaine de Limoges, dont Faustine rêve de posséder un service. Mais pas pour demain, au vu du prix des articles. Angèle la rassure. Les coûts de la vente directe n'ont rien à voir avec ceux des magasins. Par bonheur, le printemps s'installe dans le Limousin. Faustine en profite pour dévaliser la seule et unique boutique de vêtements et accessoires pour enfants du coin. Tout y est tellement magnifique, autrement plus raffiné que les plouqueries plan-plan dont elle a l'habitude dans son patelin d'Amérique. Elle se laisse offrir une superbe combinaison d'hiver et de son côté achète quelques sous-vêtements pratiques. Qu'il est bon d'avoir une grande famille. Manifestement, tous ont adopté la nouvelle pièce rapportée de Maxime. Son enfant, surtout, tellement craquant avec ses boucles blondes et son regard expressif. Si beaucoup des cousins et cousines sont à la retraite, les jeunes, en revanche, travaillent dur. Jacques et Joël, par exemple, tiennent le plus grand salon de coiffure du bourg, celui qui donne sur la place. Ils vivent dans un immense appartement juste au-dessus. Proximité bien pratique pour s'occuper de leurs deux fillettes. Ils consacrent leur temps libre et leurs moyens à la décoration de cet appartement. Quasiment tous les meubles sont en bois massif, depuis les lits bateaux jusqu'aux armoires normandes, tables, chaises, secrétaires, bibliothèques. Il n'y a pas beaucoup de livres, forcément, on ne peut pas tout faire. Faustine admire avec cependant une agaçante pointe de jalousie. Ce couple qui semble si heureux et affiche une belle complicité. Pendant toute la semaine, invités partout, Angèle, Faustine et Julien sont passés d'une table à l'autre. Que de gueuletons mémorables! La cuisine limousine est fameuse. Heureusement, il arrive qu'une cuisinière rate un plat ou le laisse aller au feu, comme ils disent. Faustine est rassurée, ils ne sont donc pas si parfaits que cela. Il reste quelque chose d'humain en eux. Arrive enfin le grand jour. celui du festin chez mamie Angèle, mais surtout du retour de Maxime. Personne ne s'étant désisté, on a rallongé la table. Les bouchons de champagne sautent, on partage le foie gras, vu que Limousin ou Périgord, c'est kiff-kiff bourricot, le pâté aux pommes de terre et la potée à la viande, équivalent Limougeaud du pot-au-feu. Une flognarde aux pommes et un gâteau aux noisettes terminent la ronde. Avec le café, on déguste les fameux pruneaux, fourrés de ganache au cognac et enrobés de chocolat noir, du meilleur confiseur de France. À se relever la nuit, ce que Faustine ne manque pas de faire. Ce jour-là, Maxime a pris une photo où sa femme prend la pose au milieu de tous les cousins. Ces gens-là ne se contentent pas d'être gentils. Ils sont généreux aussi. On a offert au couple diverses spécialités du coin. Des gants de peau blanc d'une finesse extraordinaire pour la jeune maman et un blouson en cuir naturel façon aviateur pour Maxime. Les voilà équipés pour la dernière partie du voyage. En route pour Lausanne. La petite famille se fait conduire à Bordeaux, d'où elle prend un vol pour Genève. De là, Maxime gagne Munich, pendant que Faustine et Julien poursuivent en direction de Lausanne. Papa et maman attendent sur le quai de la gare. Faustine est très fière de leur présenter leur premier petit-fils. Elle espère que désormais sa mère la considérera comme une adulte et non plus comme une gamine irresponsable. D'emblée, l'accueil est chaleureux. Pleine de bonne volonté, maman s'est donné beaucoup de peine pour dénicher un landau chez le brocanteur du passage Montrion. Il n'a pas de grandes roues comme celui que Faustine a tant apprécié à Saint-Junien, mais maman l'a si joliment habillé qu'elle lui pardonne volontiers. Pour les promenades, sa mère a choisi un pouce-pouce pliable, prétendument adapté aux enfants de 4 mois. Surtout, elle a tricoté et brodé de ses blancs chemins avec amour une mini couverture toute douce. Pendant que ses parents font connaissance avec bébé Julien, Faustine raconte ses aventures. En fin de semaine, Maxime réplique. Il commence par confier à Faustine qu'il a reçu de la mère de ses filles une lettre qu'il refuse de lui faire lire, tant il l'a trouvée dégueulasse. Après avoir brièvement salué le reste de la famille, il demande l'autorisation de s'allonger un moment à côté de son fils dans le studio voisin transformé en chambre d'amis. Il est tellement épuisé par son dernier séminaire que les cris stridents du bébé à 10 cm de ses oreilles pendant plus d'une demi-heure n'arrivent pas à le réveiller. Venu récupérer Julien, Faustine en profite pour faire les poches de son époux. Fouille de routine, aurait dit Françoise autrefois. Elle récupère la lettre dont Max lui a parlé et, ayant confié le bébé à sa grand-mère, se plonge dans les toilettes pour la lire. Effectivement, ce n'est pas à sa gloire. Ces quelques pages sont un véritable réquisitoire, nourri sans aucun doute des informations transmises par les filles. Ah, les traîtresses! Hélène, Madame X, s'inquiète de voir ces dernières tributaires d'une fumeuse, alcoolique et irresponsable, entre autres multiples défauts. Elle était son texte de détail irréfutable. Faustine est atterrée. Le pire, c'est que tout est vrai. Hélène a parfaitement raison. Son analyse de la situation est tristement cohérente. Faustine ne songe même pas à en vouloir aux filles. Elle remet la lettre en place et rejoint ses parents. Humiliée, mortifiée. Un passage à tabac n'aurait pas fait plus mal. Hélas, Stéphane, son petit frère, le seul auquel elle aurait pu se confier, brille par son absence. Il est retenu en Valais. Le lendemain, Julien, tassé dans sa poussette canne, se laisse balader sur les quais. À Morges, les tulipes n'ont pas encore éclos. Dommage, à 2 semaines près, le spectacle aurait été grandiose. Comme toujours, le temps passe trop vite. Nous voilà mi-mars. Il est temps de rentrer à Gainesville. Pourquoi maman, si peu sentimentale, pleure-t-elle lorsque la porte de l'ascenseur se referme sur Faustine et Julien ?